Batterie faible, veuillez la recharger. J'ai juste assez de monnaie pour baiser une prostituée. Je m'en vais à rue dans son solo pour me faire lécher les couilles. Je vais niquer sa mère, lui faire gratter son médic. Je ressors de là, moitié âge, plus rien dans les poches. No, avec des souvenirs de moi et ma culot, j'ai dans sa glotte. Je n'ai rien fait de mal, je suis qu'un jeune négro parmi les tocs. Oh, pareil que ça vend de la gamme, ça fait ni repuraille de goût. Les ruelles ne visent que de balivernes, trop leurs ambitions dans les sanitaires. Normal que quand je vise les yeux dans les yeux, on me dit carrément d'aime, tu ne peux pas le faire. Complètement fêlé, donc je réitère, mes rêves sont scellés par des faits divers. Les haineux comme les fédéraux veulent ma peau car n'ont pas de flou. Ces dames sont vigiles, le game nous appartient, Belgium, t'inquiète, demain c'est nous. Demain c'est Genius Sully. Ces fils de putain veulent pas qu'on sorte du trou. Posé d'être avec un G, je me tape en pur du cochonji, la roue de revie, et je capte une pucelle que je rêve de Ken de Bouy. Grosse bitch à grosse ta bambou, donc plus rien à branler, plus rien à branler. Grosse bitch à grosse ta bambou, donc plus rien à branler, plus rien à branler. Jeune you dans le haut de le mou, jeune you dans le haut de le mou. Drogue douce de la gousse à la doux. Jeune you dans le hood et le mou. Jeune you dans le hood et le mou. Rock douce de la pousse à la doux. Rock douce de la pousse à la doux. J'suis vraiment pété, ma négra, je suis défoncé. J'ai juste assez de monnaie pour une douce et une douce fruitée. Dans un gros sachet, j'suis ce gars suspect que la police contrôle dans le quartier. Et comment changer ma mentalité, comment changer de nationalité. J'suis plus enflammé que Hallyday, Hallyday, peu de qualité. J'dirais j'ai n'a tout est vanité, violent brutal une calamité. J'suis un sobriqué lapidé par une visuellement médiatisée. Toi disais, tu savoir depuis une éternité. Dès donc j'peux dire d'aller te faire niquer, faire niquer. Cette grosse est la prête à tapiner pour de la monnaie, crime maquillé, maquillé. Pas de sensualité, partie de rien, fait l'unanimité. Très loin des plateaux télé, gros j'en fume mes gopétés. Solitaire à titre, je me péché seul dans ce game. Nous niquer jamais de chaîne, et puis des chances à l'équelle. Et triquer nage dans la haine. Batterie faible, veuillez la recharger. Mmh.